dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq dhahirin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun. Ne cessera de subsister une faction de ma communauté secourue sur la vérité. Ceux qui les délaissent lâchement et ceux qui s'opposent à eux ne leur nuiront en rien, et ce jusqu'à ce que ne survienne l'ordre d'Allah alors qu'ils sont secourus. Et nous avions commencé à expliquer, à exposer certaines grandes lignes, certains principes fondamentaux constituant la voie de cette faction secourue. Nous avions expliqué que cette faction secourue, elle correspond au groupe sauvé auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion lorsqu'il a dit: et cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous sont en enfer sauf un, et c'est le groupe uni sur la vérité. Nous avions dit que cette faction secourue, elle correspond à, elle correspond aux salafis, ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs. Nous avions dit qu'elle correspond aux adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, autant d'appellations qui désignent une seule et même chose, à savoir la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie de nos pieux prédécesseurs, ainsi que ceux qui cheminent sur cette voie. Et on avait donc abordé certains principes fondamentaux constituant cette voie-là, et ce à travers un hadith d'une grande importance qui n'est autre que celui qui a été rapporté par Al-Irbad ibn Sariya. Al-Irbad ibn Sariya, qui a rapporté ce hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous commande donc la crainte pieuse d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra de nombreuses divergences. Il vous incombe donc de suivre ma sunna et la sunna des califs bien guidés en parole et en acte après moi. Cramponnez-vous-y et mordez-la à pleines dents. Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation en religion est un égarement. Le premier des principes fondamentaux que l'on avait mentionné et que nous avions tenté d'expliquer, c'est le fait de chercher à concrétiser ce principe de crainte pieuse. Et que, à la tête de cela, il y a la concrétisation de la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Et que la foi en Allah, elle contient six piliers. Ou elle possède six piliers. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, que ce qui en découle soit bon ou mauvais. Et ce sont là les bases fondamentales du dogme des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, la faction secourue et le groupe sauvé. Donc en matière de dogme, nous avions dit que le dogme de cette faction secourue est basé sur ces six fondements que nous venons de mentionner et qui ont été avant cela, bien sûr, mentionnés par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en guise de réponse à la question que Jibril lui a posée lorsqu'il s'est présenté à lui sous forme humaine en lui disant: et informe-moi à propos de la foi. Et qu'il a fait mention donc de ces six fondements. Également, nous avons expliqué que parmi les principes fondamentaux de la voie sur laquelle chemine cette faction secourue, il y a l'écoute et l'obéissance qui est due aux dirigeants musulmans. Et nous avions également développé cela. Également, nous avions soulevé le fait que si on aborde les fondements, les principes fondamentaux de la voie de cette faction secourue en matière de source de référence, eh bien nous sommes amenés à affirmer que les sources de référence de cette faction secourue en matière de religion sont le Coran, la Sunna et le consensus. Et on avait également développé cela et argumenté dans ce sens. Autre principe fondamental, parmi les principes fondamentaux régissant cette voie-là, il y a la fidélité aux ulama de la Sunna. Et aujourd'hui, ce soir, on va beaucoup insister donc sur le français. On me l'a demandé à plusieurs reprises. J'ai dit que j'allais le faire et au final, je me suis retrouvé à beaucoup parler en arabe. Et il s'avère que, en vérité, le public est en grande majorité composé de francophones et que également le temps ne sera pas forcément suffisant pour pouvoir aborder tout ce que on voudrait aborder. Donc on va essayer de se contenter de la langue française en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les principes fondamentaux, la fidélité aux ulama de la sunna. C'est là quelque chose de primordial. Et ce, à chaque époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela dans le hadith al-Irbad al-Nasariya. Car en s'adressant à ses compagnons, il leur a dit, après leur avoir commandé d'être fidèles à sa sunna, il leur a dit, et à la sunna des califes bien guidés, en parole et en acte, après moi. Les califes bien guidés en parole et en acte après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont autres que les quatre hommes les meilleurs après lui sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc commandé à ses compagnons d'emboîter le pas de ceux parmi eux qui furent les plus éminents, à savoir ces quatre califes bien guidés en parole et en acte, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et il en est ainsi à chaque époque. Les musulmans se doivent d'emboîter le pas de leurs pieux prédécesseurs et se doivent d'emboîter le pas de leurs ulama. Et c'est là quelque chose de primordial, et ça constitue un principe fondamental parmi les principes fondamentaux de la voie de cette faction secourue. Le fait qu'ils emboîtent le pas et qu'ils sont fidèles aux ulama de la sunna. Également parmi les principes fondamentaux, toujours contenu dans le hadith al-Irbad ibn Sariya, il y a la méfiance face aux innovations en matière de religion et le fait de mettre en garde contre ces innovations religieuses et le fait d'être méfiant face aux partisans de cette innovation religieuse et de mettre en garde contre eux. L'innovation dans la religion, ce qui s'oppose à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a au préalable commandé de se cramponner à sa sunna et d'être fidèle aux ulama de la sunna. Et suite à cela, il a mis en garde contre ceux qui s'opposent à cette chose-là. Et la sunna, nous avons expliqué à quoi ça correspond. Et nous avons dit que la sunna, ça correspond aux paroles, aux actes et aux approbations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à sa description comportementale et physique. Et ce, selon l'explication, selon la définition donnée par les spécialistes du hadith. Et dans ce hadith, de manière spécifique, le terme sunnah, il est synonyme de la religion de l'islam dans son intégralité. Et c'est dans ce sens-là que Al-Barbahari disait, sachez que l'islam c'est la sunnah, et que la sunnah c'est l'islam, et qu'aucun des deux ne sera effectif sans l'autre. L'innovation, Al-Bid'a, c'est l'inverse de la sunnah. La Bid'a, Na'am, c'est, on va dire de manière, on va la définir de manière résumée. La bid'a, l'innovation dans la religion, c'est quelque chose qui, en matière de religion, n'était pas présent à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque de ses compagnons. L'innovation, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mis en garde contre elle, avant même qu'elle ne survienne. Car sache, et n'ai aucun doute sur cela, qu'à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aucune innovation dans la religion n'était apparue. Malgré cela, le prophète, alayhi salatu wa sallam, à de nombreuses reprises, il a mis en garde contre l'innovation. De manière générale, il a mis en garde contre les innovateurs de manière générale. Et il a mis en garde contre certains innovateurs de manière spécifique. Et il a annoncé que des innovations allaient survenir dans sa religion. Ce qui montre donc la gravité de cette chose. Rends-toi compte que le prophète, alayhi salatu wassalam, a mis en garde contre une chose qui n'était toujours pas apparue de son vivant. Et qu'il a insisté sur cela. Combien de fois a-t-il dit, cela dit, le meilleur des discours c'est le livre d'Allah, la meilleure des voix c'est celle de Mohammed, les pires des choses dans la religion sont celles qui sont nouvellement inventées, toute chose qui est nouvellement inventée est une innovation, et toute innovation dans la religion est un égarement, et dans certaines variantes est tout égarement mène en enfer. Le nombre de fois au cours desquelles il a dit cela est indénombrable. Qui te montre donc la gravité de cette chose. Et il faut que tu saches que l'innovation, elle contient des méfaits horribles et des implications nauséabondes. Car celui qui innove dans la religion, c'est comme s'il légiférait à la place d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ainsi que l'innovateur, il a une part dans la menace énoncée par Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il a dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ou bien aurait-il des associés qui légifèrent pour en matière de religion, ce à propos de quoi Allah n'a en aucun cas donné une quelconque permission. Celui qui innove en matière de religion, c'est comme si il prétendait, qu'il le veuille ou non, qu'il s'en rende compte ou non, que le prophète alayhi salatu wassalam aurait trahi le message qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de transmettre. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion. Et je vous ai comblé de mon bienfait et ai agréé pour vous l'islam comme religion. Se basant sur ce verset, l'imam Malik, rahimahullah, disait, celui qui innove dans la religion, instaure dans la religion une innovation qu'il considère bonne, il a certes prétendu que Mohammed, alayhi salatu wassalam, aurait trahi le message. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion et je vous ai comblé de mon bienfait et ai agréé pour vous l'islam comme religion. Suite à cela, l'imam Malik concluait en disant C'est ainsi que ceux qui ne faisaient pas partie de la religion ce jour-là, c'est-à-dire le jour de la révélation de ce verset, n'en fera pas partie non plus aujourd'hui. Et le fait d'innover dans la religion, ça implique que le prophète alayhi salatu wassalam aurait trahi la mission qui lui avait été donnée d'accomplir. Sachant que l'innovation contient également d'autres méfaits. Na'am. Comme le fait notamment que l'innovateur, à chaque fois qu'il cherche à se rapprocher d'Allah à travers son innovation, eh bien il ne fait que s'éloigner encore plus de lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait également que l'innovation vient s'interposer entre l'innovateur et le repentir. Car l'innovateur, dans la religion, il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'il ne voit pas en quoi il doit se repentir. Et c'est dans ce sens-là que les pieux prédécesseurs de cette communauté ont dit que la chose la plus aimée d'Iblis, après le polythéisme, c'est l'innovation dans la religion. Ils ont donc considéré l'innovation dans la religion comme étant plus grave que les grands péchés. Car celui qui commet un grand péché, qui vole, qui boit des boissons interdites, ou qui entretient des relations interdites, ou autre, il est censé savoir qu'il est en train de commettre quelque chose de répréhensible. Et à partir de là, il est amené, si Allah tabaraka wa ta'ala le lui permet, se repentir. Mais celui qui innove, il considère qu'il est en train de faire du bien. Et si toi tu viens et tu lui dis, cesse donc, repens-toi, il va te considérer comme fou. Car pour lui, il se rapproche d'Allah. Lorsqu'une personne est venue voir Abdullah ibn Mas'ud, en l'attendant devant chez lui, lorsque Abdullah ibn Mas'ud est sorti, cette personne lui a dit, j'ai vu quelque chose dans la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a surpris. Qu'as-tu vu? Lui a dit Ibn Mas'ud. Il a dit, j'ai vu des gens qui formaient des cercles, des assises. Na'am. Et il y en avait parmi eux qui disaient, proclamez l'unicité d'Allah 100 fois en disant la ilaha illallah. Proclamez la grandeur d'Allah 100 fois en disant Allahu Akbar. La pureté d'Allah 100 fois en disant Subhanallah. Adresser les louanges à Allah, disait Alhamdulillah 100 fois, et donc il comptait cela à l'aide de petites pierres. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, pourquoi ne l'as-tu pas réprimandé? Il lui a dit, je ne voulais pas me prononcer avant que tu ne te sois prononcé toi. Et c'est ainsi qu'Ibn Mas'ud s'est rendu auprès de ces gens-là, et qu'il les a fermement blâmés. Et parmi ce qu'ils ont échangé comme propos, il y a le fait que ces gens-là ont dit à Ibn Mas'ud, « Oh Abba Abdelrahman, c'est sa kunya, nous ne voulons par là faire que le bien. » Et Ibn Mas'ud leur a dit, « Et combien de gens veulent faire le bien sans jamais l'atteindre ?» Donc regarde ici l'excuse, nous ne voulions faire que le bien. Et ils n'ont pas compris le fait d'être blâmés, alors qu'ils étaient en train de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les méfaits également de l'innovation, le fait que l'innovation, elle mène celui qui l'instaure ou celui qui la met en application vers ce qui est encore pire. Sache que celui qui a rapporté ce récit de ces gens-là, avec Ibn Mas'ud, il a rapporté que ces gens-là qui ne se sont pas repentis, ils ont été aperçus avec les Khawarij durant la bataille de Nahrawan en train de combattre les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Barbahari rahimahullah a dit, et c'est ainsi que l'innovation commence petite et qu'elle termine comme quelque chose d'immense. Elle a commencé donc par quelques pierres qui étaient lancées afin d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Évoquer Allah, c'est quelque chose de légiféré. Mais c'est dans la manière qu'il y avait un problème. Et ça a terminé, na'am, par le fait de prendre les armes contre les musulmans. Donc, l'innovation, c'est quelque chose de gravissime. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en garde contre l'innovation, avant même qu'elle n'apparaisse. Et il faut savoir que ces mises en garde visant l'innovation, elles contiennent nécessairement le fait de mettre en garde contre les partisans de l'innovation. Car une innovation, sans innovateur, elle n'apparaît pas. Et elle ne se propage pas. Donc le fait de mettre en garde contre les innovations, ça contient nécessairement le fait de mettre en garde contre les innovateurs. Il faut savoir que les innovateurs, ce qui dévie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont de deux sortes. Certains laissent ouvertement apparaître leur déviance. Le cas de cela est clair et facilement détectable pour quiconque bénéficie d'un minimum de clairvoyance. Le cas de cette personne qui s'oppose de manière ouverte, na'am, à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui en dévie de manière flagrante, son cas, il est facilement détectable pour quiconque bénéficie d'un minimum de clairvoyance. Mais il y a d'autres personnages qui dévient également de la voie du prophète alayhi salat wa salam, mais qui cachent leurs innovations et ne la laissent pas apparaître aux gens. Le cas de cela est beaucoup plus difficile à cerner. Et bon nombre de gens sont dupés par eux. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas tel qu'il ait laissé ses serviteurs livrés à eux-mêmes, sans mettre à leur disposition des outils à l'aide desquels ils peuvent reconnaître ce genre de personnes et les distinguer des adeptes véritables de la sunna, du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. En effet, d'éminents personnages de cette communauté ont consacré leur vie afin de débusquer, de dévoiler, de démasquer ses opposants à la voie de la vérité et ont laissé en héritage de quoi les reconnaître à toute époque et en tout lieu. Cela conformément aux enseignements du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces grandes figures de l'islam ne sont autres que nos pieux prédécesseurs. À leur tête, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, suivis de leurs disciples et des disciples de ces derniers, à savoir les trois premières générations de l'islam, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté les mérites dans plus d'un hadith, notamment en disant « Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, puis ceux de celle qui la suit, puis ceux de celle qui suit cette dernière. » Et en quelques points, on va essayer de présenter et d'exposer un aperçu de leur méthode, accompagné de récits rapportés de nos prédécesseurs, les appuyant et les illustrant, c'est-à-dire les méthodes à l'aide desquelles ils distinguaient et ils reconnaissaient les gens qui dévient de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout en cachant leur déviance, tout en cachant leurs innovations, tout en laissant apparaître qu'ils sont des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Et sache que plus la déviance de l'individu sera dissimulée et subtile, plus son cas sera grave et dangereux. Parmi les méthodes auxquelles les pieux prédécesseurs de cette communauté avaient recours, il y a la prise en considération des amis, des proches, des relations, des fréquentations, des entourages, des affinités et des alliés. Imam Ahmed, ainsi que Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'individu est sur la religion de son bien-aimé. Regardez donc qui vous prenez comme bien-aimé. » Il disait aussi, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, les âmes sont-elles des armées réunies? Ceux qui sont en accord s'assemblent et ceux qui sont en désaccord se désassemblent. Dans ce sens-là, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait, considérez les gens selon leurs amis. Et il disait également, l'individu ne marche ni ne fréquente que celui qu'il aime et qui est comme lui. Abu Hatim a dit, Moussa ibn Uqba Souri est venu à Bagdad. Et il fut mentionné auprès d'Ahmad ibn Hanbal, l'imam des adeptes de la Sunna. L'imam Ahmad a dit alors, à propos de Moussa ibn Uqba, regardez donc chez qui il se rend et auprès de qui il prend refuge. Un autre récit allant dans ce sens, celui relaté par Al-A'mash qui disait, jadis, c'est-à-dire auparavant, du temps de ceux qui étaient considérés comme des pieux prédécesseurs à son époque. Jadis, on ne questionnait pas à propos d'un individu après avoir connu de lui une des trois choses suivantes. Avec qui il marche, chez qui il se rend et avec qui il a des affinités. Dans ce sens-là, une parole encore plus forte et frappante et percutante, celle de l'imam Al-Awza'i, l'imam des gens du Sham, qui disait, celui qui nous cache son innovation ne nous cachera pas ses affinités. L'innovateur, il peut cacher son innovation, il peut chercher à la dissimuler, mais il ne nous cachera pas ses affinités. Les gens avec qui il a des affinités. Et comme on l'a vu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'individu est sur la religion de son bien-aimé. Regardez donc qui vous prenez comme bien-aimé. Yahya ibn Sa'id al-Qattan a dit, et c'est là également un récit très éloquent et édifiant. Il a dit, lorsque Soufyan al-Thawri est arrivé à Al-Basra, il s'est mis à analyser le cas de Rabi' ibn Sabih et de la considération que les gens avaient de lui. Il me questionna alors, c'est-à-dire Soufyan al-Thawri a questionné les gens à propos de Rabi' ibn Sabih. Et il a posé la question suivante, quelle est donc sa voix? Et il lui fut répondu, sa voix n'est autre que la sunna. Il dit alors, et quel est son entourage? Il lui fut dit, les qadarites. Les qadarites, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés dans le domaine du qadar. Ils se sont égarés concernant la question du destin. En niant la prédestination et le décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il lui fut dit, donc son entourage, c'est les qadarites. Il conclut alors en disant, c'est donc un qadarite. Pourtant, Rabi' ibn Sabih, il ne laissait apparaître que le fait d'adhérer à la sunna. Parce que ces gens, lorsqu'ils furent questionnés, quelle est donc sa voix? Ils ont dit, sa voix n'est autre que la sunna. Par contre, du fait que son entourage était constitué de qadarites, eh bien, Soufyan al-Thawri a dit, c'est donc un qadarite. On remarque ici que Soufyan al-Thawri n'a aucunement considéré comme condition qu'il laisse apparaître son accord avec la voix des qadarites. Mais le simple fait que son entourage soit formé de qadarites fut suffisant. Ce genre de récit, beaucoup de gens à notre époque n'arrivent pas à l'assimiler. Ce genre de discours, beaucoup de gens à notre époque ne le reconnaissent pas. Tu trouves certaines personnes qui étudient pendant des années, na'am, l'islam, jusqu'à en arriver à obtenir le dal du docteur. Et quand tu lui dis, si une personne, son entourage est constitué d'innovateurs, eh bien il est comme eux, Il te répond oui, s'il est en accord avec eux. Si c'était une condition qu'il montre qu'il est en accord avec eux, on n'aurait pas à se demander quel est son entourage. Et la question, ou la réponse plutôt à la question de base, quelle est donc sa voix ? Eh bien, ça serait, il est en accord avec les Qadarites, ou là, il est en accord avec les Khawarij, ou là, il est en accord avec les Ash'ari, et ainsi de suite. Mais là, la question, elle concerne une personne qui ne laisse apparaître que la Sunna, mais dont l'entourage est constitué de gens déviants. Eh bien, il faut savoir que les Salafs, les pieux prédécesseurs de cette communauté, considéraient ce genre de personnes comme les membres de son entourage. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Abu Daoud al-Sijistani a dit, l'imam Abu Daoud, j'ai dit à Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, Abu Daoud, imam de la Sunna, auteur du célèbre recueil de hadith, Na'am, recueil de référence, élève de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam des adeptes de la Sunna, l'auteur du Musnad, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il a dit donc à son enseignant, à son cheikh, Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, si je vois un adepte de la Sunna en compagnie d'un des partisans de l'innovation, dois-je m'abstenir de lui adresser la parole suite à cela ? Il répondit non. Informe-le plutôt que la personne que tu as vue en sa compagnie est un partisan de l'innovation. S'il s'en écarte, alors continue de lui parler, sinon, considère-le comme lui. Ici, tu vois que la précaution est prise. Na'am. L'entourage de ce personnage n'est pas constitué d'innovateurs, mais à un moment donné, tu l'as vu discuter avec un innovateur. Tu l'as vu marcher avec un innovateur. Il est possible qu'il ne connaisse pas l'état de sa situation. Donc, informe-le. Informe-le à propos de l'état de la situation de cette personne-là. S'il s'en écarte, alors tu auras atteint ce que tu voulais. Mais si ce n'est pas le cas, alors considère-le comme lui. Ibn Taymiyyah a dit, comme cela est recensé dans Majmu' al-Fatawa, celui qui a une bonne opinion d'eux, c'est-à-dire des innovateurs, en prétendant ne pas connaître l'état de leur situation, il convient de le mettre au courant de la réalité de sa situation. Et s'il ne se sépare pas clairement d'eux, et ne fait pas apparaître qu'il les réprouve, alors il sera considéré comme eux et parmi eux. Et il y a dans ces deux textes, c'est-à-dire ce texte, ce récit rapporté de Abu Daoud al-Sijistani, à lequel nous retrouvons cette question qu'il a adressée à son cheikh, à son enseignant, l'imam Ahmed ibn Hanbal, et dans cette parole d'Ibn Taymiyyah, d'éminente leçon pour quiconque les médite. Prends donc en considération la place qu'occupe le conseil dans la religion de cet imam, lorsqu'il dit à Abu Daoud, non, informe-le plutôt que la personne que tu as vue en sa compagnie est un partisan de l'innovation. En effet, il est envisageable que le cas d'un innovateur ne soit pas apparent à un adepte de la Sunna, auquel cas il convient donc de le conseiller. Et rends-toi compte de sa ferme position lorsqu'il dit, s'il s'en écarte, alors continue de lui parler, continue de le côtoyer, continue de le fréquenter. Sinon, considère-le comme lui. Tandis que dans les propos d'Ibn Taymiyyah, nous trouvons qu'en plus de s'abstenir de lui parler, au cas où il continuerait à fréquenter et à côtoyer cet innovateur-là, excusez-moi, tandis que dans les propos d'Ibn Taymiyyah, nous trouvons qu'en plus de s'abstenir de lui parler, c'est-à-dire de parler à cette personne déviante, il se doit de se séparer clairement de lui et de faire apparaître qu'il le réprouve. Quant à celui qui persiste dans le côtoiement des innovateurs, c'est là une personne qui est plus dangereuse encore que ceux qu'il côtoie, du fait qu'il est une cause de tromperie pour ceux qui le verront et seront dupés par le fait qu'il s'assoit avec eux, alors qu'en apparence, il est sur la sunna. Une personne qui laisse apparaître qu'elle est en conformité avec la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne laisse apparaître aucun signe de déviance, d'égarement, d'innovation, et qui, malgré cela, côtoie les partisans de l'innovation, en vérité, elle est encore plus dangereuse que les partisans de l'innovation qu'elle côtoie. Car le partisan de l'innovation déclaré, dont le cas est clair et avéré, les adeptes de la sunna sont clairvoyants le concernant. Ils savent que c'est un innovateur. Ils savent qu'ils doivent se méfier de lui. Par contre, cette personne-là qui laisse apparaître la sunna et qui est considérée comme un adepte de la sunna, mais qui côtoie ses partisans de l'innovation, son cas est dangereux. Car il va être une cause de tromperie. Et les gens qui vont le voir en train de côtoyer un tel ou un tel parmi les partisans de l'innovation, ils vont être dupés. Et ils vont dire, on a vu un tel, c'est un salafi, un adepte de la sunna, on l'a vu, il était en train de côtoyer, de discuter, de plaisanter avec un tel. Alors que toi tu me dis que c'est un takfiri, tu me dis que c'est un khariji, tu me dis qu'il fait partie de ceux qui défendent le groupe de Daesh par exemple, ou la d'Al-Qaïda. Alors qu'un tel c'est ton ami, il est avec toi sur la même longueur d'onde que toi, et je l'ai vu, il parlait avec lui, il discutait avec lui, il plaisantait avec lui, il souriait, et ainsi de suite. Et il le côtoie. Donc celui-là qui laisse apparaître la sunna, il va être une cause d'égarement pour les gens. Et c'est dans ce sens-là, sous cet aspect-là, qu'il est considéré comme étant encore plus dangereux. Ibn Aoun, un de nos pieux prédécesseurs, disait, celui qui côtoie les gens de l'innovation est encore plus dangereux à nos yeux que les gens de l'innovation eux-mêmes. Ce sont là des paroles fortes. Et ces paroles-là, ces récits-là, ils n'ont pas été recueillis dans les livres de référence de l'islam pour y rester et pour rester purement théoriques. Mais ils ont plutôt été recensés, recueillis, rapportés, afin d'être transmis, diffusés et mis en application concrètement, et non pas uniquement de manière théorique. Parmi les moyens auxquels avaient recours les pieux prédécesseurs de notre communauté, afin de distinguer ceux qui laissent apparaître qu'ils font partie des adeptes de la sunna, alors qu'en vérité, ils ont dévié de la voie du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le fait de se rendre compte qu'ils cherchent à détourner les gens de la critique d'individus, de groupes ou d'organisations déviantes. Dans ce sens-là, il y a un récit qui a été rapporté de Uqba ibn Alqama. Donc, les pieux prédécesseurs de cette communauté, lorsqu'ils voyaient qu'une personne, bien qu'elle laisse apparaître qu'elle adhère à la sunna, parce qu'ils se rendaient compte qu'elle cherche à détourner les gens de la critique d'individus, de groupes et d'organisations déviants, eh bien, ils se méfiaient d'elle et ils la considéraient comme les gens dont elle répugne la critique. Uqba ibn Alqama a dit, j'étais en compagnie de Arta'a ibn al-Mundhir lorsqu'une personne dans l'assemblée lui demanda, que dites-vous d'un homme qui côtoie et fréquente les adeptes de la sunna, mais qui dit, lorsque les partisans de l'innovation sont mentionnés, épargnez-nous leurs mentions, ne les citez pas. C'est-à-dire, ne mettez pas en garde contre eux, ne les critiquez pas. Arta'a lui répondit, il est des leurs, que son cas ne soit pas confus dans vos esprits. Uqba ibn Alqama a alors dit, j'ai réprouvé cette réponse de la part de Arta'a. Et je me suis donc rendu auprès d'Al-Awza'i. Al-Awza'i, on a dit précédemment que c'était qui ? L'imam, les habitants du Cham. Le Cham, c'est la région de la Syrie. Car il était expérimenté dans ce genre d'affaires lorsqu'elle lui était présentée. Il me dit, Arta'a a dit vrai. Et c'est bien ce qu'il fallait répondre. Cet individu réprouve qu'on les mentionne. Mais comment peut-on se méfier d'eux si on ne les dénonce pas? Et le fait de réprouver cette chose-là prouve que cette personne qui réprouve cela a dans son cœur quelque chose de mauvais et qu'il faut donc être sur nos gardes vis-à-vis d'elle. Également, parmi les signes distinctifs de ce genre de personnes-là, il y a le fait que les pieux prédécesseurs de notre communauté prenaient en considération le fait de défendre et de chercher des excuses aux partisans du faux. Le fait de défendre et de chercher des excuses aux partisans du faux. Zakaria ibn Yahya a dit, j'ai entendu un homme dire à Abu Bakr ibn Ayyash, « Oh Abu Bakr, qui est le sunnite? Qui est l'adepte de la sunna ?» Il répondit, « Il est celui qui, lorsque les différents courants déviants sont cités, ne se fanatise pour aucun d'entre eux. Il est celui qui, lorsque les différents courants déviants sont cités, ne se fanatise pour aucun d'entre eux. » Ibn Battah a dit dans Al-Ibn al-Sughra, après avoir mentionné un certain nombre de croyances étrangères à la sunna, il fait partie de la sunna de s'écarter de tous ceux qui adoptent une seule des croyances que nous avons citées, de même que de les boycotter et de les détester, et de boycotter quiconque les prendrait comme alliés, les secourrait, les défendrait ou les fréquenterait, même si celui qui fait cela laisse apparaître la sunna. Donc là encore, on parle de ce genre de personne-là. La personne, elle laisse apparaître qu'elle adhère à la sunna. Mais concrètement, elle fait des choses qui laissent entrevoir qu'en vérité, elle a dévié de la voie de la sunna. Ibn Battah a dit, alors qu'il est en train d'exposer la méthodologie des pieux prédécesseurs de cette communauté, après avoir énuméré et dénoncer un certain nombre d'idéologies étrangères à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Nadine fait partie de la sunna de s'écarter de tous ceux qui adoptent une seule des croyances que nous avons citées, de même que de les boycotter et de les détester, et de boycotter quiconque les prendrait comme alliés, les secourrait, les défendrait ou les fréquenterait, même si celui qui fait cela laisse apparaître la sunna. Ibn Taymiyyah disait en évoquant le cas des partisans du panthéisme. Le panthéisme, c'est philosophie mécréante d'après laquelle tout ce qui existe est identifié à Dieu. C'est comme ça que ça a été défini dans les dictionnaires français. Le panthéisme, c'est une philosophie mécréante d'après laquelle tout ce qui existe est identifié à Dieu. Ibn Taymiyyah disait en évoquant le cas donc des partisans du panthéisme, il est obligatoire de punir tous ceux qui s'affilient à eux, ou les défendent, ou fait leurs éloges, ou vénère leurs écrits, ou est connu pour les aider, ou encore répugne le fait qu'ils soient critiqués, ou en viendrait à avancer des excuses en leur faveur en disant « Je ne comprends pas ce qu'ils visent par leur discours », ou mettre en avant le fait qu'un tel parmi eux ait écrit tel ou tel livre, ainsi que ceux qui pourraient s'apparenter à cela comme excuse que seul un ignorant ou un hypocrite ne peuvent avancer. Il est donc obligatoire de punir sévèrement quiconque connaîtrait l'état de leur situation et n'apporterait pas son aide afin de les contrer, car le fait de les contrer compte parmi les plus grandes des obligations, car ces gens-là ont corrompu les esprits et les pratiques religieuses de bon nombre de cheikhs et de ulama, de rois et d'émirs, en plus de chercher à propager la corruption sur terre et d'obstruer le sentier d'Allah. Ces propos, bien qu'ils visent en premier lieu les panthéistes, c'est-à-dire les partisans de cette philosophie mécréante, concernent l'ensemble des partisans de l'innovation, comme ont pu l'établir les ulama de la sunna. Ici, bien sûr, j'attire votre attention vers le fait que, lorsque Ibn Taymiyyah dit qu'il est donc obligatoire de punir sévèrement quiconque connaîtrait l'état de leur situation, il n'y a pas de doute que le domaine des peines légales relève de la responsabilité d'un dirigeant et qu'il n'appartient pas à tout un chacun de venir mettre en application cela. Quatrièmement, parmi les signes distinctifs de ce genre de personnes-là, la versatilité, c'est-à-dire le fait de changer sans cesse d'opinion. La versatilité et l'instabilité dans les discours et positions, en les modelant et en les adaptant selon les circonstances et les intérêts. C'est là un signe distinctif, une caractéristique de ce genre de personnes-là qui laisse apparaître la sunna tout en déviant de cette voie-là. Hudhayfa ibn al-Yaman disait, qu'Allah l'agrée, le sommet de l'égarement, et que tu approuves ce qu'auparavant tu réprouvais du faux, et que tu réprouves ce qu'auparavant tu approuvais de la vérité. Et méfie-toi de la versatilité dans la religion, car la religion d'Allah est unique. Mufaddal ibn Muhallal al-Sa'di disait: si, lorsque tu t'assois en compagnie d'un partisan de l'innovation, ce dernier te faisait part d'emblée de son innovation, tu te méfierais de lui et tu le fuirais. Donc il commence plutôt son discours en évoquant la sunna, puis il y incorpore son innovation afin qu'elle s'agrippe à ton cœur. Et à ce moment-là, quand va-t-elle en sortir? Donc ne te laisse pas berner par le fait que l'individu en face de toi, il commence son discours en défendant la sunna et prend en compte plutôt la suite quand il va chercher à introduire dans son discours la défense de l'innovation qu'il couvre, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. L'imam al-Barbahari disait: les partisans de l'innovation sont à l'image des scorpions. Ils cachent leur corps et tête dans la terre en laissant sortir leur queue. C'est ainsi que lorsque leurs proies sont à leur merci, ils les piquent. Et il en est de même pour les partisans de l'innovation. Ils sont cachés parmi les gens. Et lorsque ces derniers sont à leur merci, ils atteignent d'eux ce qu'ils visaient au préalable. Donc, le musulman doit être quelqu'un d'alerte, d'éveillé, vif d'esprit, et ne pas se laisser avoir par les apparences. Cinquièmement, parmi les choses prises en compte par nos pieux prédécesseurs, afin de déceler, afin de reconnaître, afin de distinguer ce genre d'individus-là déviants, il y a le fait de prendre en compte ce que les langues peuvent laisser échapper comme déviance et critique des ulama de la sunna. Comme nous l'avons vu, les individus dont nous sommes en train de parler laissent entendre qu'ils cheminent sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, et n'affichent pas ouvertement leur déviance. De même, ils laissent apparaître un certain amour pour les ulama de la sunna et n'affichent pas ouvertement l'aversion qu'ils éprouvent envers eux. Sauf que, comme le dit l'adage populaire, celui qui contient dans son ventre des gaz n'est apaisé que lorsqu'il les laissera s'échapper. Naam, elle est un peu limite. En arabe, elle passe mieux. C'est vrai qu'en français, elle est un peu... C'est un adage musulman ? C'est un adage arabe. Peut-être qu'en français, il passe moins bien. J'aurais pu m'abstenir de le citer. À la kulli hal, le but, il est visé. La personne qui couvre en elle quelque chose qui la dérange, on va l'exprimer autrement. La personne qui couvre en elle quelque chose qui la dérange, elle sera apaisée que lorsque elle l'aura exprimé et sorti. Al-Muhim, le but, le sens visé, il est compris. Ainsi, leur langue trahissent dans certaines situations ce qu'elle s'efforçait à cacher au préalable. Et c'est alors qu'ils laissent apparaître ce qu'auparavant ils s'efforçaient de cacher. Soit à cause d'une discussion tournant à la polémique, la personne n'en avait pas l'intention à la base de dire quelque chose de mauvais, mais elle s'est retrouvée dans une discussion qui a tourné à la polémique malgré elle, et elle s'est retrouvée donc à dire des choses qu'elle s'efforçait de cacher au préalable. Soit à cause du fait qu'ils considèrent que la personne à qui ils s'adressent est acquis à leur cause, ou soit à cause du fait qu'ils se sentent en position de force, et c'est à ce moment-là que ce genre de personnes vont se mettre à exprimer réellement l'aversion qu'elles éprouvent vis-à-vis des ulama de la sunna. Or, la critique déloyale visant les adeptes de la sunna est en soi une marque de déviance, d'autant plus lorsqu'elle est dirigée vers le ulama de la sunna. Abu Hatim al-Razi disait: parmi les signes distinctifs des partisans de l'innovation, leur acharnement sur les adeptes du athar, les adeptes du hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là quelque chose d'établi dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le désaveu visant ceux qui ne sont pas miséricordieux vis-à-vis des jeunes, ceux qui ne respectent pas les anciens et ceux qui n'accordent pas aux savants les droits qu'ils ont. comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce principe de désaveu visant ce genre de personnes, elle est établi dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Hatim al-Razi disait, parmi les signes distinctifs des partisans de l'innovation, leur acharnement sur les adeptes du athar. Le terme athar ici étant un synonyme du terme hadith. Ahmed ibn Sinan al-Qattan disait, il n'est pas dans ce bas monde d'innovateur sans qu'il ne déteste les adeptes du hadith. Car lorsqu'un individu innove dans la religion, la douceur du hadith est ôtée de son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à éprouver de l'aversion vis-à-vis de ça et vis-à-vis des adeptes du hadith. Abu Uthman Ismail al-Sabouni disait, les signes distinctifs de l'innovation sont apparents et reconnaissables sur ses partisans. Et parmi les plus flagrants de ces marques distinctives, l'énorme aversion qu'ils éprouvent à l'encontre des porteurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le fait qu'ils cherchent à les humilier et qu'ils les méprisent. Donc toi, qui cherches à te conformer à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si tu vois apparaître un de ces signes sur une personne, méfie-toi d'elle. Le but ici, ce n'est pas de se retrancher sur soi-même, de se replier sur toi, sur soi-même. Naam, d'exclure forcément les gens. Mais le but, c'est de se préserver et de préserver sa religion. Si tu vois apparaître un de ces signes sur une personne, méfie-toi d'elle, car il est à craindre que ce qu'elle te cache soit pire que ce qu'elle t'a laissé apparaître. Imam al-Bahbahari disait, lorsque t'apparaît qu'un individu commet une chose liée aux innovations en religion, alors méfie-toi de lui, car ce qu'il te cache est plus nombreux que ce qu'il t'a laissé voir. C'est ainsi donc que s'achève ce bref exposé, constituant un bref aperçu concernant les partisans de l'innovation, étant donné que nous en étions arrivés à cette partie du hadith rapportée par Al-Arbad ibn Sariya, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation dans la religion est un égarement. » Et nous avions donc dit que c'était là un autre principe fondamental parmi les principes fondamentaux constituant la voie des pieux prédécesseurs de cette communauté, de la faction secourue, du groupe sauvé, des adeptes de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un autre principe fondamental, et on va terminer par celui-ci. Elle a quelle heure exactement, Aïcha? 23h pile? 23h01. Alors on a peut-être 5-6 minutes pour aborder ce principe-là. Ce principe-là, qui est également un des principes fondamentaux de la voie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un principe que l'on retrouve dans certains versets coraniques et dans certains hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce principe fondamental, il n'est autre que le fait de chercher à concrétiser l'union sur la vérité, par la vérité et pour la vérité. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Abu Huraira a rapporté dans un hadith qui a été recueilli par Imam Ahmed, Imam Muslim et d'autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah agrée pour vous trois choses et il en réprouve trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez exclusivement et que vous ne lui accordiez aucun associé. Et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. Et que vous soyez d'un conseil loyal vis-à-vis de ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et il réprouve pour vous trois choses. Les on-dit, le surplus de questions et de requêtes, et la dilapidation des biens. Parmi donc ces choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée pour nous, il y a le fait de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah. Ici donc on se rend compte que ce principe d'union, il ne vise pas le simple fait de s'unir, Mais il vise avant tout le fait de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah. Donc ce qui est avisé, c'est le fait d'être unis sur la vérité. Car ceux qui cherchent à s'unir sans forcément être en conformité avec cette vérité, ils se retrouvent visés par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tu les croirais unis alors que leurs cœurs sont éparpillés. Ce qui est visé, ce n'est pas le simple fait de s'unir, mais ce qui est visé, c'est le fait d'être unis sur une seule et même chose, à savoir la vérité, résidant dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son aide et son assistance afin de nous conformer à tout ce que nous avons pu mentionner comme principes fondamentaux constituant la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons qu'Allah les agrée. Et je lui demande, Azza wa Jal, de nous unir sur la vérité et de faire de nous des frères s'aimant pour sa cause. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.